Est, ouest, nord, sud, trop de blabla. Tu viens d'Afrique à toi. M'adresse à tout le monde, tu le sais déjà. Passe le voile et papa. Écoute ça. Le monde part en couille, on ne peut faire que l'observer. Les traditions se perdent, pour beaucoup c'est démodé. Tout le monde impose son style, personne voit qu'il est pompé. Sur des allures qui passent sur les ondes ou à la télé. Personne pour crier l'imposture, vous êtes tous envoûtés. Tout le monde s'y met et c'est la même dans tous les quartiers. Qui ne souhaite plus que la fortune, l'argent, la vie rêvée. Comme ces rappeurs qui ne rappent plus, ne savent même plus parler. T'es nul à chier. Ou ces chanteurs dits rebelles qui n'osent pas se mouiller. Ces parleurs qui ont les mots pour plaire et te scotcher. Maintenant que tous disent mélanger, on dit c'est gagné. Un président noir, l'humanité ne se sent plus pissée. Tant qu'on a la clim, la BS, la paix ou la BSP. Accessible à tous, même le tiers-monde est câblé. J'en veux mes frères et sœurs de trop souvent s'oublier. Les injustices subies, le combat qu'ils disaient mener. Glorifie le bling bling, l'illicite, ça les fait kiffer. Laissez les petits frères et sœurs suivre ces modes, les entraîner. Pour que plus tard le bilan il ne soit pas libéré. Cette merde qui nous entoure, n'en faut pas leur cacher. Hey. Le monde s'écroule tout autour de moi. Quand j'étais gosse, on m'en parlait pas comme ça. Que les embrouilles, les guerres ne resteraient pas. Ce temps est passé, maintenant faut faire le constat. Hey. Le monde s'écroule tout autour de moi. Quand j'étais gosse, on m'en parlait pas comme ça. Que les embrouilles, les guerres ne resteraient pas. Ce temps est passé maintenant pour faire le constat. Et jeunes et sont hardcore, mes mains ne faut pas pousser. Appuie sur la gâchette, c'est le seul slogan que t'as trouvé. As-tu seulement un cœur, même si les armes t'y as goûté. Fier de clamer, suce-moi, but. Dans un autre monde, je t'aurais tué. Seulement, je n'ai qu'une vie et je ne veux pas la gâcher. Des trucs pas nets comme toi, j'en ai fait contraint et forcé. J'en suis pas fier du temps, m'en mettre pour que ça puisse passer. Ferme ta bouche de merde, petite copie, tous à la récré. Quand je parle, je m'adresse à tous les gens de tous les quartiers. Je fais pas de frontières dans ma tête, y'a quelque chose qu'à clamser. J'ai l'amour de Dieu mais la haine des communautés. Car dans mes veines coule depuis toujours trop de sang mélangé. Désolé pour les chrétiens, les musulmans, les juifs, les athées. J'ai lu tous vos bouquins, je crois en la parole sacrée. Je respecte les anciens, les jeunes, ce que vous représentez. Seul le créateur, oui, comprendra mes pensées. Y'a trop de morts au nom de vos vérités de tous les côtés. Trop de mecs qui prennent la parole et qui poussent à tuer. Moi je fais partie de ceux qui parlent peu et je viens vous clasher. Je préfère vous voir me courir après quand je vous ai désarmé. Le monde s'écroule tout autour de moi. Quand j'étais gosse, on m'en parlait pas comme ça. Que les embrouilles, les guerres ne resteraient pas. Ce temps est passé maintenant pour faire le constat. Et le monde s'écroule tout autour de moi. Quand j'étais gosse, on m'en parlait pas comme ça. Que les embrouilles, les guerres ne resteraient pas. Ce temps est passé maintenant pour faire le constat. Et je veux plus voir tous nos parents en galère. Je veux plus voir toutes nos familles en galère. Non, je veux plus voir tous nos petites sœurs en galère. Je veux plus voir tous nos petits frères en galère. Je veux plus voir toutes ces familles en galère, non. Je veux plus voir tous nos grands frères en galère. Je veux plus voir toutes nos grandes sœurs en galère. Moi ce que je veux, moi c'est toutes les mains en l'air. Je viens parler, m'exprimer avec mes mots. Pour tous les petits frères et petites sœurs dans le ghetto. N'écoute pas toujours ce qu'on te dit sur les radios. Beaucoup de blabla, beaucoup de trop, ils sont faux. Tu as bien des rêves, une bouche et un cerveau. Sers-toi-en pour viser toujours plus haut. Et si le système ne te fait pas de cadeau, à toi de prouver que ce sont tous des idiots. Le monde s'écroule tout autour de moi. Quand j'étais gosse, on m'en parlait pas comme ça. Que les embrouilles, les guerres ne resteraient pas. Ce temps est passé, maintenant faut faire le constat. Et le monde s'écroule tout autour de moi. Quand j'étais gosse, on m'en parlait pas comme ça. Que les embrouilles, les guerres ne resteraient pas. Ce temps est passé, maintenant faut faire le constat. Et Yeman, Don Valdez pour tous les frères, les sœurs. Et pour tous ces blablateurs, ces tchatcheurs au micro ou non, qui ne respectent pas leurs paroles. Yeman, que dirait tes remparts? Que dirait ta sista ou tes gosses, quoi? Hein, je te dis, change et bouge-toi les fesses.